Puis avec les replays en ligne dans quelques instants. Merci pour nos 2 heures de dialogue. On se retrouve demain. Vous écoutez Vivacité, il est 11h. Les infos avec Yasmina Favoreau. Bonjour Yasmina. Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Les bébés prennent trop de médicaments, surtout des antibiotiques, 3 boîtes par an. Les chiffres d'une étude des mutualités libres. Un constat qui inquiète les mutualités car ils sont souvent utilisés ces médicaments pour soigner de simples pharyngites ou des bronchites, donc pas nécessaire. Et vous le savez, il faut éviter le recours aux antibiotiques car plus nous en consommons, plus les bactéries deviennent résistantes à ces traitements. Vous nous écoutez peut-être de votre bureau chez vous, comme beaucoup de Belges, vous télétravaillez, un mode de travail qui a de plus en plus de succès, 21% de télétravailleurs en plus en 5 ans. Ce sont les chiffres du SPF Économie dévoilés par la VRT aujourd'hui. Une augmentation plus forte en région bruxelloise qu'ailleurs. Travailler depuis son domicile, c'est aussi une pratique plus adoptée dans le secteur public que le privé. 3 salariés sur 10 dans le public contre 1 sur 10 dans le privé. Le fils de l'imam de Dizon est placé pour 3 mois en IPPJ, ces instituts fermés de protection de la jeunesse. Le jeune homme était apparu dans une vidéo dans les rues de Verviers où il appelait au meurtre de chrétiens. Il avait été interpellé avec ses parents dimanche soir à son retour de vacances avant d'être relâché quelques heures pour être à nouveau entendu plus tard et donc placé en IPPJ. Quant à son père, l'imam, il est sous le coup d'une procédure d'expulsion, mais comme il a fait appel, elle est suspendue. On lui reproche des prêches très radicaux. En France, 7 djihadistes présumés ont été arrêtés ce mois-ci, déclaration de Bernard Cazeneuve, le ministre français de l'Intérieur. 3 avaient des projets d'attentat. Bernard Cazeneuve qui dévoile aussi les chiffres des arrestations pour terrorisme en 2016. Le nombre d'individus en lien avec des réseaux terroristes interpellés pour les 6 premiers mois de l'année est équivalent au nombre total d'interpellations de 2015. Et toujours en France, à Calais, plusieurs migrants ont été blessés près de la jungle, ce camp de fortune où ils s'établissent en attendant de pouvoir rallier l'Angleterre. Selon le quotidien français La Voix du Nord, une importante bagarre a éclaté cette nuit. Plusieurs candidats à l'asile seraient donc blessés, dont un grièvement. Une information non confirmée par les autorités. La jungle de Calais, qui a encore connu des arrivées massives de réfugiés cet été, plus de 7000 migrants s'y entassent désormais. La météo, eh bien, elle reste très estivale ce mardi. Le soleil est bien là, il devrait rester jusqu'à vendredi. Il fera très chaud jusque-là. Les températures pour aujourd'hui seront comprises entre 24 et 29 degrés. RTBF Mobile Info, il y a un accident sur le ring de Bruxelles, Caroline Gillet. Exactement, circulation intérieure à hauteur de Bercel. 2 voies de circulation sont neutralisées. Vous perdez environ une demi-heure en direction de Grand Bigard. Et en circulation extérieure, vous perdez une quinzaine de minutes sur le tronçon Zaventem Grand Bigard. Accident aussi sur le 314 Maas-Mechelen-Louvain à hauteur d'Arscott. Voie de gauche indisponible, défile sur 5 km et vous perdez une demi-heure en direction de Louvain. Défile aussi pour rejoindre le territoire français. Et surtout sur le 40 Yabec et Calais, défile sur 6 km, un peu plus d'une heure de retard en direction de la France. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. 11h03, c'est parti pour On n'est pas des pigeons. Et pour 2 heures en plus. À tout à l'heure, midi pour d'autres infos, Yasmina. Le PC portable Asus disque dur 1 Tera à 499€. Chez Cora, PC, ça veut dire pas cher. Une rentrée comme ça, c'est chez Cora. Ou chez Cora. De 11h à 13h sur Vivacité, on n'est pas des pigeons. Sébastien Nolveau. Bonjour les amis. Bonjour. Bonjour, que des filles autour de la table. Oh. Bonjour Charlie. Vous avez vu comment il fait beau dehors? Magnifique. Est-ce qu'on se déshabille tout de suite ou on... Pas commencer. Pas pas, non. Non mais c'est parce qu'il fait chaud. On est d'accord. Il fait chaud et on verra au moins si vous avez votre beau bronzage d'été. Qui a bien bronzé cet été? Ah bah, regardez. Qui a fait attention à cette... Moi évidemment. Regardez comme je suis brune. On se moque pas. J'ai fait du banc polaire. Exactement. Bah, on se pose une question alors. Comment conserver le bronzage? Alors pour ceux qu'on n'a pas eu l'été mais qu'on va peut-être avoir dans les prochains jours. Pour ceux qui ont eu la chance de bronzer cet été parce qu'ils sont partis très très loin chercher le soleil. On verra comment on peut prolonger ce teint hâlé. On ira faire un tour dans la presse aussi, dans le journal La Conso, on se pose une question, les trains sont-ils à l'heure, Aurore? Je peux déjà vous répondre, non. Ah puis tiens, mais ça on aurait... Voilà, 1 sur 10 n'est pas à l'heure. Isabelle, on poursuit notre petit quiz, le rattrapage des informations de l'été. Voilà, parce que hier, faut avouer, les résultats n'étaient pas terribles. Hein. Vous n'avez pas beaucoup bossé cet été, va, donc voilà, va. Une petite session de rattrapage pour voir si vous pouvez continuer la saison. Il y a un indice. On va parler de quoi ? Ah non. Ah bah, suspense. En tout cas, on va parler. Vous aurez des indices. Je vais vous simplifier la tâche aujourd'hui. Vous aurez droit à des indices. C'est la seconde, c'est plus. Ouais. Ah oui, c'est ça. On va parler avec Céline aussi, qui a un petit souci avec un entrepreneur. Ça faisait longtemps. C'est Annie qui va tenter d'intervenir. Et puis, un petit peu plus tard dans l'émission, Caroline nous parlera des boîtes à tartines isothermes. L'occasion de vous poser une question sur la page Facebook. Aurore, on met quoi sur la page Facebook? Mais qu'est-ce que vous mettez dans les boîtes à tartines de vos enfants? Des tartines. Oui, mais pour que ça reste frais. Vous voyez, pour pas qu'ils soient intoxiqués. Ouais. Parce que ce serait un peu dommage. Et en même temps, pour qu'ils aient envie de manger. Aussi, ce serait bien aussi ça. Si vous mettez du pain sec et du beurre... Vos réactions sur la page Facebook, mais vous pouvez contacter l'émission de bien d'autres manières aussi, hein, si vous avez envie. Oui, vous pouvez aussi envoyer un SMS au 3063, laisser un message via notre mail pigeon@rtbf.be. Oh, elle a un doute encore. Je laissais le temps aux auditeurs d'écrire. Oui. Et puis après, qu'est-ce qu'on n'a pas encore donné du coup? Le répondeur 070 222 660. Pour être tout à fait complet, on vous dit aussi qu'il y a de la musique dans cette émission, évidemment. Cette musique, elle sera signée Céline Dion et aussi Justin Timberlake. Peut-on dire que c'est le tube de l'été, Justin Timberlake? Si, hein, ça a tourné. Un des tubes de l'été. Mais celui-là, plus que les autres, j'ai l'impression. Vous écoutez Vivacité. Si on n'est pas des pigeons, on est ensemble jusqu'à 13h. Bienvenue tout le monde. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Come on. Mark Ronson et Bruno Mars sur Vivacité avec Uptown Funk. Votre courrier est arrivé. Oh, toujours le papier. Nos jours, personne n'écrit plus, tout le monde téléphone. Beaucoup de courriers hier, beaucoup de courriers suite à la rentrée d'On n'est pas des pigeons en radio et en télé, et ça fait chaud au cœur. Mais oui, merci pour tous vos messages d'encouragement, comme celui de Marie-Ange qui nous écrit « Vous nous avez manqué ». Bah vous aussi, Marie-Ange et tous les autres. Et tant qu'on est dans les compliments, on en a aussi reçu un de Pierre-André. C'est pour Annie. Quand j'entends Annie, la première chose qui me vient à l'esprit est solution, pas problème. Oh non. Voilà. Pierre-André, vous habitez où? Envoyez-nous un petit SMS. Non. Avec une photo. Il doit continuer à penser. Mais d'abord la photo. Solution et pas problème et pas autre chose. Non, mais sinon, on part dans le graveleux, c'est un petit peu délicat. D'autres réactions aussi aux conseils donnés par. Raphaël Hubert. En fait, Hubert est encore en vacances et on a essayé de faire passer Raphaël pour Hubert hier à la télé. Ça n'a pas marché. C'était concluant, non ? Oui. En l'espace de 2 secondes et de dos et de loin, c'était concluant. Mais en tout cas, ça vous a beaucoup amusé. En plus, on voit un terrible fou rire de Raphaël qui ne se reconnaît pas lui-même dans le miroir, certainement. Et puis, on a reçu aussi beaucoup de bons plans sur le sujet, hein, puisqu'il nous donnait des conseils de grand-mère ou de grand-père en l'occurrence, hein, pour lutter contre la rouille sur vos outils. Et Robert nous parle d'une méthode préventive encore plus efficace que les conseils donnés hier, de la graisse sur les outils avant de les ranger dans un espace humide. Ça permet de les conserver entre guillemets tout l'hiver. Germain nous dit qu'un bain d'esprit de sel est radical, neutralisé avec de la lessive de soude, rincé à l'eau. Attention, porter des vêtements longs, des lunettes et des gants adaptés. Attention aux vapeurs, ne pas fumer et faire ça dans un endroit aéré. On va peut-être tout. Bref, ça a l'air un peu périlleux. Oui, effectivement. Carlo, lui, beaucoup moins périlleux, nous expliquait comment faire des conserves de tomates. Là aussi, beaucoup de commentaires. Mais oui, Brigitte écrit personnellement, hein, Carlo. Tu prêches une convaincue, Carlo. C'est fait. 38 ans que je réalise mes conserves. J'habite la campagne, j'ai un immense jardin, donc beaucoup de légumes à conserver pour l'hiver. Tout y passe. Haricots, carottes, bêtes, feuilles de bêtes, fenouil, purée de tomates, courgettes, et puis tous les fruits en compote. J'ai aussi réalisé des conserves de pâté de lapin, de dinde et de canard, à stériliser 2 fois pour cela. Si tu as besoin de conseils, pas de soucis. Ah bah écoutez, voilà. Carlo va prendre contact avec Brigitte. Hein. Je pense. Hein. Et puis, Lenny Elvis. Je savais qu'il n'était pas mort, Elvis. Mais je me demande, est-ce que c'est Elvis le prénom ou Lenny qui est fan d'Elvis? Bref. Nous sommes pour le fait maison et non ce qui est industriel. Jamais de congelé, de pré-emballé, de boîte de conserve. Nous faisons un maximum nous-mêmes, mais je n'ai jamais essayé de faire des bocaux. Je serais bien tentée, mais ça va attendre un peu après avoir vu les prix cet après-midi des tomates. 3,99€ pour les rondes, 4,29€ pour les tomates allongées. Et enfin, quelques photos reçues sur la page Facebook avec les t-shirts aux couleurs dont n'est pas des pigeons qui font une fois de plus le tour du monde et qui continuent à faire le tour du monde. Oui, on a encore reçu des clichés. François devant le Taj Mahal, Edwine devant le Machu Picchu, la famille de Anne en Bolivie dans un désert de sel. Et puis Brenda, elle nous poste une jolie photo avec en commentaire « Moi, je n'ai pas le t-shirt. Alors j'ai pris Paul Henry. » Et de fait, qu'est-ce qu'on voit? Une jolie photo de Paul Henry qui était en vacances, on pense, en Espagne, et qui a rencontré nos téléspectateurs et auditeurs là-bas. Mignon. Et ça compte aussi. Ça compte aussi. Oui, continuez à envoyer aussi ces photos si vous en avez d'autres et des commentaires sur la page Facebook et à rentrer en communication avec le mail aussi, pourquoi pas. Oui, pigeon@rtbf.be, le répondeur 070-222-660. Et sur la page Facebook, n'oubliez pas, on reprend les bonnes vieilles habitudes. Ouais. Les coups de gueule! Évidemment, et on les attend aussi, on les lira en fin d'émission. Il y a Céline Dion qui arrive dans un court instant, et puis nous replongerons aussi dans le monde merveilleux de la maçonnerie, de la plomberie, enfin bref. Des travaux. En entrepreneur qui fait défaut peut-être encore. Mais voilà, des travaux qu'on attend, on va rien venir. Dans quelques minutes, à tout de suite. Cette année, pour la route des vacances, j'ai tout prévu. T'as juste oublié un truc, on n'a pas de voiture. Restons zen. Jusqu'au 31 août, il y a les offres exceptionnelles prêtes à partir sur des Citroën neuves, suréquipées, immédiatement disponibles. À découvrir sans tarder sur citroën.be. Citroën. Infos et conditions sur citroën.be. Sprite. Du pur rafraîchissement et puis c'est tout. Sprite, born to refresh. Vivacité présente Valériane, le grand salon bio de la rentrée. Rendez-vous à Namur Expo les 2, 3 et 4 septembre. Plus de 300 exposants bio et aussi 60 conférences et ateliers. Info valériane.be. Une organisation de Nature et Progrès avec le soutien de Canal C, l'avenir.net et la Wallonie.

23 août. Et alors, les travaux dans cet appart, ça va? Ils n'ont pas été réalisés puisque finalement, la veille de commencer les travaux, il a dit qu'il préférait ne pas les faire parce que nous avions voulu modifier la commande. On avait émis le souhait et il n'a pas répondu à ce souhait. Il a juste envoyé un SMS en disant la veille, finalement, ça ne m'intéresse plus parce que ce n'est pas assez rentable pour moi, donc je vais vous rembourser. Et qu'est-ce que vous aviez demandé comme modification? Vous aviez diminué la charge de l'entrepreneur, en fait? Oui, c'est ça. Donc, il y avait des travaux de sol à faire, des travaux de réparation de plafonnage suite à un dégât des eaux. Et donc, on lui a demandé, vu le temps qui a passé, on a changé un peu nos projets. Et donc, on souhaitait ne faire plus que les travaux de plafonnage. Ok, cuide. D'accord. C'était un peu... Voilà, on attendait un peu sa réponse. Et puis... Il n'a pas réagi à ça, il a confirmé la date du 4 avril et puis le 2 avril, suite à mes nombreux coups de fil de nouveau, il nous a envoyé un SMS en disant finalement... D'accord, il vous a complètement planté là. Le problème, c'est que vous avez parlé de remboursement. Voilà. Annie, ça veut dire qu'un acompte était... Voilà, et donc vous avez signé un devis, vous avez payé un acompte de 40%, ça correspond pour vous à 1136 euros exactement. Oui. Alors le problème du devis, semble-t-il, c'est que vous n'avez mentionné aucun délai sur le document pour l'exécution des travaux, donc ça veut dire que si pas de délai, ils pouvaient faire un petit peu entre guillemets ce qu'ils voulaient. Alors j'ai regardé les informations sur l'entrepreneur. C'est une société qui se trouve dans la région de Villers-la-Ville. C'est une société qui à l'heure actuelle est toujours active. Ça veut dire que pour la banque Carrefour des entreprises, c'est une société qui travaille normalement. La situation est, comme on dit, normale. C'est le feu vert. Donc logiquement, tout devrait aller bien. Et le problème ici avec vous, Céline, c'est qu'on se rend compte que entre décembre 2014, date à laquelle vous avez payé l'acompte, et mars 2016, il se passe presque un an, un an et demi, et donc sans nouvelles. Et vous m'avez dit, quand on a préparé l'émission, que les contacts étaient très compliqués avec l'entrepreneur. Vous ne fonctionnez, il ne fonctionne que par SMS. Ouais, ça c'est un peu curieux quand même. Alors moi j'ai pris contact avec l'entrepreneur. J'ai envoyé un mail, mais toujours pas de réponse. Mais on a son numéro. Un portable. Puisque le SMS fonctionne. On va essayer quand même. Il se situe où, votre appartement? Pardon? Alors, je dois dire qu'en fait, hier soir, il nous a envoyé un SMS. Ah ben tiens. Oui. Et qu'est-ce qu'il dit, alors, le SMS? Sans doute suite au mail, comme quoi, finalement, il nous remboursera d'ici fin août. Ok. D'accord. Mais on essaye quand même de l'appeler pour... Il est situé où, votre appartement? Il est situé où, votre appartement? Voilà, c'est réglé. On n'a pas de réponse non plus. Vous savez ce qu'on va faire? On va marquer une pause et puis on ira chez un spécialiste parce que les travaux de rénovation, ça engendre souvent. En fait, c'est ce qu'on constate, Annie. Hein, on a souvent des problèmes avec des entrepreneurs. Beaucoup de problèmes, mais il y a plein de promesses. C'est des trucs très pratiques. En fait. Alors, si c'est votre cas et que dans les prochains jours ou dans les prochains mois, vous allez faire des travaux de rénovation, quelques bons conseils juste après la pause. C'est la rentrée sportive à Médiacité. Tu as entre 4 et 11 ans? Alors participe aux initiations sportives proposées par l'Académie Provinciale des Sports ce samedi 27 août à Médiacité Liège, avec la présence des joueurs de Liège Basket et la collaboration du service des sports de la province de Liège. Toutes les infos sur mediacité.be. Vivacité à Serein, en toute complicité, sur 90.5 FM. Acheter un smartphone d'occasion sur un site de petites annonces? Et que faites-vous s'il ne va pas? Dans les magasins Cash Converters, il y a des milliers d'objets d'occasion en parfait état et avec garantie. Cash Converters. Vendez vite, achetez mieux. Cashconverters.be. Hérisson, tu te dandines sur les sentiers du Ravel. Tu louvoies, tu dodelines lorsque les journées sont belles. Tu dégaines tes piquants au moment où vient Manon, chevauchant son vélo blanc et c'est la crevaison. Sur le Ravel, en tout temps, règne la loi du hérisson. Voilà pourquoi les AP Assurances vous proposent l'assistance vélo. Une assistance 24 heures sur 24 pour toute la famille à 60 euros par an. Plus d'infos sur lap.be. Les AP Assurances, toujours à vos côtés. Ceci est un produit d'assurance d'AGA International SA Belgian Branch. On est occupé en ce moment avec le dossier de Céline qui a commandé des travaux. Un an et demi plus tard, toujours rien de fait dans son appartement. Un acompte mis sur la table. Là, bizarrement, le dossier se débloque depuis hier parce qu'elle va peut-être récupérer son argent. Mais on peut-être, espère, on va suivre. On espère pour elle et on va suivre le dossier. Céline, vous nous tenez évidemment au courant. Cela dit, maintenant, je vous le disais, on va donner un petit coup de fil. Nous, à notre spécialiste, c'est Eric Lousse qui est le rédacteur en chef du magazine Je vais construire. Bonjour Eric. bonjour à toute l'équipe. Alors on a entendu, on va reprendre comme l'année dernière, hein, c'est le genre de choses qu'il faut, en fait il faut taper sur le clou. En termes de rénovation, c'est plutôt le cas de le dire, effectivement. On parle de 40% d'acompte, c'est beaucoup hein, ça. C'est beaucoup, j'ai vu le devis qui avait été remis à Céline ici et finalement, bon, c'est vrai qu'accepter un devis simplement signé pour accord et accepter un acompte de 40%, c'est effectivement beaucoup. Voyez, aucun problème, la difficulté de récupérer cet argent, si un acompte d'une dizaine de pourcents avait été payé, bon, mais c'était déjà beaucoup moins grave. Et donc, Eric, on peut rappeler que le paiement d'un acompte, d'abord, ce n'est pas obligatoire. Alors, le paiement d'un acompte n'est pas obligatoire. Il est souhaitable parce que ça permet, à un moment donné, de confirmer qu'il y a un engagement réciproque. Donc, je pense que l'acompte en soi n'est pas mauvais. Le problème est le montant de l'acompte qui est versé. Donc, il est préférable de payer un acompte moindre qui confirme de manière claire l'engagement du client dans la commande des travaux d'entreprise. Mais alors, il est préférable de remplacer le solde de l'acompte que l'on ne veut pas payer directement par un état d'avancement, c'est-à-dire en disant, ben voilà, dès le début des travaux, dès que les travaux sont entamés, ben nous payons une tranche supplémentaire. Ça permet d'avoir quand même un petit contrôle sur l'entreprise et aussi sur le délai. Parce qu'en fait, le second problème, évidemment, est celui-là, c'est que l'entrepreneur fait une offre, le client signe l'offre pour accord, lui retourne et paye l'acompte, mais cette offre ne stipule aucun délai. Voyez le résultat, nous sommes avec un an et demi. Ouais, c'est attente, facile, et toujours bien. Mais est-ce que l'entrepreneur pourrait dire, ben ici, c'est le client finalement qui renonce, il a payé un acompte, tant pis pour lui, c'est le principe de l'acompte. Alors, je me fais un peu l'avocat du diable, mais... Oui, tout à fait. Parce que c'est l'entrepreneur qui a proposé de rembourser, hein. Oui, mais vous avez de la chance. Est-ce que l'entrepreneur pourrait pas dire aussi, bah, c'est le principe de l'acompte. Ici, c'est le client qui a signé un devis et qui renonce après coup. Ok, ta famille est dans le. Pas du tout. À part renoncer. Hein. Non, pas renoncer, ils ont juste modifié. Autre conseil, parce qu'on ne va pas y passer non plus des heures là-dessus, mais on donne des conseils bien pratiques. Bon, il y a un an et demi sans nouvelles du client vis-à-vis de l'entrepreneur. Est-ce que, Eric, on peut laisser ou pas cette situation pourrir ? C'est pas souhaitable, évidemment, parce qu'à partir du moment où vous payez la compte et que vous montrez intéressé dans la réalisation des travaux, et puis que vous mettez autant de temps avant de mettre les pieds dans le plein de manière un petit peu significative, vous vous contentez d'SMS, d'appels téléphoniques sans réponse et vous acceptez cette situation, ça donne un mauvais message à l'entrepreneur. Ça veut dire que finalement, ben, vous n'êtes peut-être pas tellement intéressé par le travail. Donc il faut l'être recommandé, quoi. Donc il faut vraiment se manifester de manière officielle avec un courrier, avec recommandé beaucoup plus vite que cela. Donc ici, l'oubli du délai, évidemment, est un problème. Mais le fait de laisser pourrir cette situation n'est pas non plus souhaitable. Ce n'est pas un signal très positif. Ce qui est bien dans cette histoire, Céline, c'est que le SMS d'hier tente à prouver qu'il serait de bonne foi et qu'il va vous rembourser enfin. Et qu'il a reçu surtout le mail. Surtout le mail qu'Annie lui a envoyé. Vous nous tenez au courant, Céline, hein, on fait oui, ça. Oui, je vous tiens au courant. Voilà, oui, et pour tous les autres qui se lancent dans les rénovations, c'est toujours ça de prix pour les conseils. Merci, Erika. Fenêtre, il regarde passer la petite fille aux couettes sans jamais oser. Un regard, un sourire, un signe de tête. Il la regarde passer, s'éloigner, s'en aller, son retour, il guette. Quand il la voit, ça fait boum boum boum. Bara bara boum boum. Ça fait boum boum quand il la voit. Il regarde passer la demoiselle sur sa bicyclette. Il aimerait l'inviter à danser un soir après l'école. La faire tourner et tourner pour que sa robe virevolte. Peut-être lui voler un baiser sur le pas de sa porte. Spéculant sur sa valeur, espérant qu'à ses yeux il est la cote. Quand il la voit, ça fait boum boum boum. Bara bara boum boum. Ça fait boum boum quand il la voit. Bara bara boum boum. Ça fait boum boum quand il jour ou l'autre, oh, perché à sa fenêtre, il regarde passer la jeune femme moulée dans sa robe verte. Sans plus tarder, 4 à 4, il descend les marches, tout ça pour s'en approcher, contempler de plus près la féline démarche. Un café, un repas, une histoire d'amour, une rupture. De retour à sa fenêtre, il repart à l'aventure. Café, un repas, une histoire d'amour, une rupture. De retour à sa fenêtre, il repart à l'aventure. Quand il la voit, ça fait boum boum boum, bada bada boum boum, ça fait boum boum. Quand il la voit, un jour ou l'autre, c'était Jali. J'espère que ça ne fait pas badaboum sur les routes. On fait un point avec vous, Caroline Gillet. Eh bien, ça dépend où on se trouve, évidemment. Ça a fait badaboum sur le 314, Maas-Mechelen, Louvain, à hauteur d'Arscott. Accident donc et passage difficile. Vous perdez 20 à 25 minutes d'effil sur 6 km. C'est vers Louvain. Sur le ring de Bruxelles, on a une circulation plus dense que d'habitude. Un petit avant-goût de rentrée des classes. Avec en circulation intérieure, au titre Grand Bigard, 20 minutes supplémentaires. Et en extérieur, 10 minutes perdues entre Zaventem et Grand Bigard. Dans le centre-ville de Bruxelles, un accident s'est produit dans le tunnel Léopold II à hauteur de la sortie Sainte-Thelette. Le tunnel est fermé. Il y a bien sûr des files en direction du Midi. Des files aussi pour rejoindre le territoire français via le 40 Yabec et Calais. 7 km de file et une heure de retard vers la France. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Il est bientôt 11h32, place au journal de la Conso, avec une info extraordinaire à lire dans le soir. Ah oui, non mais on... Je vous apprends des choses. Les trains ne sont pas à l'heure. Non, alors là, ce qui est extraordinaire, c'est qu'au final, bah, c'est peut-être pas une si mauvaise nouvelle que ça. Mais non, parce que du coup, les tarifs qui sont réévalués chaque année au mois de février ne devraient pas augmenter, ou en tout cas pas trop. Pour 2017. Donc sur les six premiers mois de l'année, seuls 89,7% des trains étaient à l'heure. Et on rappelle que ça veut dire qu'ils pouvaient avoir jusqu'à 6 minutes de retard. Oui. Hein, donc ils sont quand même à l'heure quand la ils sont en retard. La ponctualité de la SNCB est oui. particulière. Donc très concrètement, on va prendre le problème dans l'autre sens. Ça veut dire qu'un train sur 10 était en retard. Un très mauvais chiffre en raison des grèves, de la météo, mais aussi de l'accident de Saint-Georges. Mm-hmm. 5127 trains par mois ont purement et simplement été annulés parce qu'ils étaient trop en retard. C'est énorme ça? C'est beaucoup, hein, c'est beaucoup. Et il y a même eu des pics au mois de mai avec les grèves, etc., jusqu'à 11 000 trains. D'accord. Vous imaginez? C'est énorme. C'est quand même. Mais alors donc, bonne nouvelle, c'est qu'en fait, les tarifs ne peuvent être augmentés que si les trains sont à l'heure pour 92%. D'accord. Donc ici, on donc, comme ils n'ont pas atteint, eh bien, les tarifs ne pourront pas augmenter, ou en tout cas, ils pourront juste être à l'index, quoi. Tu paries que d'ici la fin de l'année, les statistiques sont revues et que bizarrement, on arrive à 92%. Bah, ça va être difficile, ou alors il va falloir jouer avec les chiffres. Ah, ben peut-être. C'est possible. On poursuit avec une bonne nouvelle pour les consommateurs. Il sera bientôt possible de comparer les tarifs de téléphonie plus facilement. Oui, bientôt, c'est relatif aussi, hein, puisque c'est dans 10 mois, mais on ne va pas bouder son plaisir pour autant. L'IBPT, qui est le régulateur des télécoms, va imposer aux opérateurs qu'ils transmettent aux clients toutes les infos nécessaires pour connaître leur consommation réelle. Concrètement, qu'est-ce que ça change? Ben, ça change qu'il sera beaucoup plus facile de comparer les tarifs, puisqu'on pourra comparer des pommes et des pommes. Parce que je ne sais pas si vous avez essayé jusque maintenant de comparer les tarifs des opérateurs. C'est très difficile parce que les offres sont tellement différentes qu'on n'y arrive pas. Donc ici, ça devrait être plus facile. Et c'est l'occasion aussi de vous rappeler le site du simulateur tarifaire officiel. C'est meilleurtarif.be. Donc vous pouvez déjà aller le consulter maintenant, mais retenez que dans 10 mois, quand vous le ferez, ce sera encore mieux. Et en parlant de téléphone, justement, il y a un dossier dans la Libre Belgique aujourd'hui sur les constructeurs de smartphones. Oui, mais c'est le coréen Samsung qui reste le leader mondial du marché, avec plus de 22% de parts de marché. Mais c'est du côté des Chinois qu'il y a du changement, avec une vraie guerre entre les différents constructeurs de téléphones. C'est tout bénéfice pour le consommateur, d'abord pour les prix, mais aussi parce qu'on voit arriver sur le marché des modèles tout à fait inconnus et qui ont des particularités. Par exemple, les téléphones Oppo. Vous avez déjà entendu parler? Non, jamais. Non, ben moi non plus. C'est joli comme alors, Oppo. Ce qui est bien, oui, c'est rigolo en plus. Hein. Oppo, ce qui est bien avec ces téléphones, c'est qu'ils ont un système de recharge qui est beaucoup plus rapide. Et ça, je pense que ça va plaire à beaucoup de personnes. La marque Huawei, ça, on commence ça, c'est à... à dire, oui, je ne sais pas comment il faut dire. Huawei. Ça commence à être un petit peu connu chez nous aussi, hein, même plus qu'un petit peu. Mais maintenant, on parle aussi beaucoup du concurrent le plus farouche, Xiaomi.

Cocoon en vivacité, en nouveauté sur Vivacité, le titre I Can Wait. On n'est pas des pigeons. Ah, je redoutais la séquence hier, je la redoute encore plus aujourd'hui. J'ai l'impression d'être comme tous ces étudiants en deuxième cesse. Et c'est ça. Oui, mais le problème, c'est qu'ils ont étudié. Moi, j'ai pas fait gaffe, voilà, que tu consommes pendant ces vacances. Oui, mais je vous ai prévenu hier. Vous auriez pu un peu potasser hier soir. J'aurais pu. Donc, on repasse en revue l'actualité conso qu'on a ratée pendant les vacances. Et c'est encore moi qui m'y colle au début. Eh ben oui. Bon, allez. Faut avouer hier. Fais péter. Pas très, très perspicace. Donc, je me suis dit, allez, je vais quand même l'aider un peu. Je suis pas trop vache. Je vous donne un petit indice avant la question. Et c'est un indice musical. Oui, gender. Ah, on réfléchit. Oui. Et voici donc la question. Quel est l'accessoire féminin dont le rendement est supérieur à celui de l'or? Et je vous dis tout de suite, si vous voulez m'en offrir un, je suis d'accord. C'est un diamant? C'est un accessoire féminin? Oui, mais pourquoi on vous a posé cette chanson? Quelle chanson? Un soutien-gorge? Pourquoi Jane Birkin est soutien-gorge? Mais parce que c'est pas... Ah oui, pourquoi Jane Birkin? Parce qu'elle chantait les dessous chics. Ah, c'était ça que j'avais. C'est pas la chanson qu'on entend, mais enfin j'avais ça en tête. Bon, d'accord, aucun de nous n'en a un. C'est le sac Birkin de chez Hermès. Fallait déjà savoir qu'il y a un sac Birkin chez Hermès. Il est super connu. C'est vraiment... Je vous jure, il est super connu dans le milieu. 6 500 € à l'achat. D'accord. Mais depuis son lancement en 1984, sa valeur a augmenté de 500%. Ah ouais, bien. Donc bien. Vous voyez, donc son rendement annuel. 14,2%. Donc c'est quand même un bon placement. Vous êtes quatre autour de la table, je vous en achète. Juste, je vous le dis tout de suite, ils sont assez rares et il faut s'inscrire sur une liste d'attente. D'accord. Donc pour Noël, commandez-les aujourd'hui, ça sera mieux. Vous avez une couleur de prédiction, non? Non, ils sont tous beaux. Allez, d'accord. Bon, autre question, qui c'est qui s'y colle cette fois-ci? Parce que moi j'ai raté. Aurore, c'est pour toi. Allez, je suis sympa pour Aurore aussi. Un petit indice musical. Oui. Bon, a priori, Rio... Alors, quelle est la boisson dont le prix devrait augmenter dans les prochains mois? Café? Je rassure tout de suite Sébastien, ce n'est pas la bière. Ah, ouf. Alors, le Brésil, qu'est-ce qui vient du... C'est pas Caipirinha, non? Ça peut pas être ça? Allez... Bah, moi, j'ai du café, mais... Un fruit qui vient essentiellement du Brésil. Un fruit qui vient du Brésil. Oh, voilà, on sent tout ça. Le jus d'orange. Voilà, le jus d'orange. Parce pour moi, les oranges, elles viennent que de Floride. C'est ce qu'ils disent dans les publicités. C'est Brésil et la Floride. Vous avez raison, il y a la Floride aussi. Et pourquoi ça va augmenter? Parce qu'en fait, les productions étaient attaquées par une bactérie qui a fait des ravages. Alors production moindre. Et donc, augmentation, on dit quand même 10 à 15 cents le litre. Ah, quand même. Vous allez en boire moins. Oui. On termine avec Annie? Oui. Ouais, Annie, alors, il ne faut pas se sentir exclu. Alors, il faut aussi... Non, je m'en fous, j'aide mes copines. Vas-y. Alors, Annie, je ne vous donne pas d'indice. Parce que pour une femme comme vous, la question est très facile. Allez, droit au but. Là. Alors, il y a une dizaine de jours, une marque célèbre de bière a annoncé qu'elle allait changer de verre. Quelle est cette bière? Ah, eh bien, je n'en sais rien. Si. En Belgique. Mais il y en a deux. Non, c'est l'autre. Allez, en deux. Mais avec des étoiles. Allez. Étoiles égales. L'air strié pour le moment. Ah, la jupe. L'étoile. Vous êtes en espagnol ou. Non. En italien plutôt. C'est parce que nous. Stella, toi. Voilà. Stella, je l'ai dit. Stella. Parce qu'en fait. Vous n'avez pas dit non, Annie. On peut réécouter la bande. On va réécouter. Stella, à la fin. Stella. Non, tu l'as pas dit. Vous l'avez dit très. Et alors, on va payer plus cher la bière parce que on va changer le verre. Vous savez, le verre est strié. Tout de suite pragmatique. Et en fait, il paraît que ça correspond plus au positionnement haut de gamme de cette bière. Et donc, ça sera remplacé par un verre à pied. Plus élégant, un verre à paraît-il. Pied. Et qu'on goûtera la différence. Non. Donc, je propose que quand il est là, on fera l'expérience. Les deux verres. On emmènera toute une série de verres. On va faire venir les responsables. Ça vous attire directement. Avec notre équipe, on s'y engage sans trop de problèmes. On a fait mieux qu'hier. Est-ce qu'on a fait mieux qu'hier? Si, quand même. Qui a répondu? Personne. On n'a pas fait mieux, mais on a fait comme hier. Ce coup-ci, j'arrête. Hein, j'abandonne. Quoi, j'abandonne plus de quiz demain. Non, c'est désespérant. Ça veut dire que l'examen de rattrapage est foiré, donc on redouble. Ça, c'est bête. Justin Timberlake, on va se consoler avec Justin Timberlake. Et puis, on partira en vacances, Anne-Laure. Oui. On partira en vacances, aller se dorer la pilule au soleil. Oui, parce que pendant que vous buvez, que vous faites des quiz, moi, je prends le soleil. Ah, c'est pas mal. Je paie moins cher, tu paies moins cher, il paie moins cher. À la rentrée, les bonnes affaires se conjuguent chez Cora. Un choix comme ça, c'est chez Cora. Ou chez Cora.

aller encore quelques jours, voire quelques semaines. Anne-Laure, soyons fous. Bah oui, ça, c'est pas mal de faire baver ses collègues avec un beau bronzage quand on reprend le boulot, ça fait plaisir. Bon, la première chose à dire, c'est que plus votre bronzage a été progressif, donc plus vous vous êtes protégé, plus vous avez évité les irritations, les coups de soleil, et plus votre bronzage va durer dans le temps. Vous allez dire, c'est trop tard. Merci pour le bon conseil. Alors, on va voir ce que vous pouvez faire, même si vous n'avez pas respecté ce conseil de base. Bah, la première chose, c'est s'hydrater. Alors, s'hydrater, ça commence par boire beaucoup, mais aussi utiliser des crèmes. Alors, vous dites n'importe quelle crème hydratante fait l'affaire. Eh bien, d'après les dermatologues, pas tout à fait. Il faut continuer à mettre les laits après soleil que vous avez utilisés pendant vos vacances. Pourquoi ? Parce qu'ils contiennent vraiment des agents qui vont prolonger votre bronzage. Alors d'abord, vous avez des agents hydratants comme la glycérine, l'acide hyaluronique aussi, des agents nourrissants, le beurre de karité, des huiles végétales qui contiennent des oméga 3, vous avez de l'huile de coco par exemple, et puis vous avez aussi des actifs réparateurs et apaisants comme l'aloe vera, la camomille, l'allantoïne ou la vitamine B5. Et si vous le pouvez, vous appliquez ces laits après soleil encore deux fois par jour, encore maintenant. Mais est-ce qu'on peut tricher avec de l'auto-bronzant tout simplement, non ? Oui, mais attention parce qu'on a, je pense, toutes eu au moins une mauvaise surprise de finir orange avec des taches, façon girafe. Et raccord avec la station, hein, c'est les couleurs de vivacité orange. Donc, jaune ou orange. Le pire, c'est les pieds. Oui. Jamais mettre d'autobronzant sur les pieds. C'est une... Parce qu'après, avec les sandales, c'est pas très très joli. Donc il faut préférer les brumes autobronzantes, ça fait un petit peu moins de traces, mais il faut pas mettre couche sur couche, parce que sinon, c'est vrai que de toute façon, on finit orange, même si on achète une crème bien chère. Sinon, Sébastien, est-ce que vous faites un petit gommage de temps en temps ? Bien sûr, évidemment, oui. Non, parce que j'ai l'impression que ça ferait partir le bronzage. Eh bien, pas du tout. Hein, c'est une fausse idée, figurez-vous. Je vais tout de suite prendre rendez-vous avec une esthéticienne. Parce que quand on va au soleil, la peau s'abaisse naturellement pour se protéger du soleil. Et donc, elle accumule les couches de peau morte. Et quand vous faites un gommage, vous enlevez la peau morte et au contraire, vous réveillez votre bronzage. Oh ah, vous illuminez votre En fait, tu crois que t'es brun, mais c'est de la crasse. Non, donc vous réveillez vraiment le bronzage et vous ne l'enlevez pas. Vous faites ça une à deux fois par semaine. Autre truc qu'on a vu plein aussi dans les pharmacies, ce sont des gélules bronzante. Alors, est-ce que ça vaut la peine de prendre des gélules bronzantes quand on ne les a pas prises au moment où on était au soleil ? Eh bien oui, ça peut quand même vous aider un petit peu à prolonger le bronzage, mais c'est vrai que l'idéal, c'est de commencer avant d'aller au soleil, pendant que vous allez au soleil, et puis après, parce que là, ça va vraiment aider à garder un beau bronzage, mais c'est assez cher. Hein. 22€ pour 30 gélules, j'ai pris l'exemple de l'Enobiol Jolitain, Enobiol Jolitain, parce que Enobiol, c'est vraiment la marque qui fait ses compléments alimentaires pour avoir de jolies couleurs. Mais c'est sans danger, ces gélules ? Oui, j'ai fait analyser ça par une dermatologue qui m'a dit qu'il n'y avait aucun problème. Attention seulement, ça ne protège pas du soleil. Donc si par une journée comme aujourd'hui, vous avez envie de vous mettre au soleil, vous dites « Ah, mais je prends mes gélules ». Non, ça ne protège pas l'auto-bronzant non plus. Ça ne protège pas du tout du soleil. Donc, moi j'ai entendu dire aussi que si on mangeait des carottes ou des tomates ou du caramel, c'était bon. Alors, j'ai posé aussi la question, mais non, ça ne marche pas. Hein. Ça ne marche pas parce que ce n'est pas assez concentré. Dans les gélules, il y a de la carotène, il y a du lycopène, des tomates, mais en fait, c'est concentré et donc ça agit et ça vous donne une couleur. Mais si vous mangez beaucoup de carottes et de tomates, c'est bon pour votre santé, mais ça ne va pas donner une jolie couleur à votre peau. Par contre, dans les gélules, il y a un truc aussi marrant, il y a du colorant caramel. Et si vous mangez beaucoup de caramel, vous n'allez pas devenir bronzé non plus. Ça ne marche pas, c'est dommage. Mais alors, pour prolonger le bronzage, un petit bain solaire peut-être, non ? Ah non, monsieur. Ah non, les dermatologues sont unanimes. On ne fait pas de bain solaire, jamais. Ça augmente le risque de cancer de 75%. D'accord. Pour juste avoir bonne mine, c'est un petit peu cher payé, je trouve. Annie, vous faites quoi pour garder ce teint allé tout Eh bien, écoutez, je mets des crèmes deux fois par jour. C'est vrai. De temps en temps. Et puis, pour garder son bronzage, j'en retourne en vacances. Ah, ça, c'est vraiment le bon plan. Je vous annonce que je vais bientôt retourner. Vous emmenez dans les bagages. On verra ce soir à la télé, à partir de 18h30, si Anne-Laure a gardé la trace du maillot ou pas. En attendant, c'est Phil Collins. Phil Collins en 1992 avec le groupe Genesis, le titre Jesus, He Knows Me. Smiling, you buy a piece of paradise, you buy a piece of me. Dans un instant, les infos de midi vont arriver. Si d'ici là, vous avez envie de nous envoyer un coup de gueule, parce qu'on a besoin du retour de vos coups de gueule, c'est sur la page Facebook que ça se passe, Aurore. Oui, sur notre page Facebook, dites tout ce que vous voulez. Vous pouvez aussi nous laisser un message par rapport aux boîtes à tartines. Qu'est-ce que vous mettez dans votre boîte à tartines? C'est vrai, c'est la question du jour. Pour que ça reste frais, en tout cas dans celle de vos enfants. Eh bien, Chantal nous donne son conseil. Il faut mettre des tranches de pain congelées que vous beurrez et garnissez. Le pain reste toujours frais et la charcuterie est préservée quelques heures. Il faut congeler tranche par tranche. Et bon plan, ça. Bon plan, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas sur la page Facebook que ça se passe. Que mettez-vous dans les boîtes à tartines pour que ça reste frais le plus longtemps possible. On vous lit dans la deuxième heure de cette émission. Viva 75 ans de liberté, l'aventure ne fait que commencer. Condition 75e anniversaire sur toute la gamme Jeep. 4 ans de garantie inclus aux établissements Constant Liège. Constant Liège et Constant Warem, la passion du service. Vous avez du talent et recherchez un métier motivant? 80% de nos diplômés décrochent un job ou créent une entreprise dès la fin de leur formation. Pourquoi pas vous? Le centre IFAPME Liège-8-Warem propose des formations dans plus de 100 professions, notamment en alternance. Toutes les informations sur centre-lhw.ifapme.be ou au 04 229 84 00 à Liège et 085 27 13 40 à Villers-le-Bouillet. Vivacité et le Play-In 2016 présentent les Jeux Olympiques, un spectacle musical inédit. Avec un orchestre de 120 jeunes et athlétiques musiciens. Le samedi 27 août à 20h30 à la salle Oberbayern de Wem. Renseignements et réservations sur playin.be ou au 080 67 81 93. Vous écoutez Vivacité, il est midi. Les infos avec Yasmina Favaro. Bonjour Yasmina. Bonjour. Le fils de l'imam de Dizon a été placé hier soir en IPPJ, ces institutions de protection de la jeunesse. Ce jeune homme de 17 ans a diffusé une vidéo dans laquelle on le voit marcher à Verviers en chantant un appel à la haine des chrétiens. Il passera 3 mois en régime éducatif fermé à l'IPPJ de Braine-le-Château. Et cette décision, elle a été prise après un parcours pour le moins particulier. L'adolescent a été interpellé une première fois, puis relâché, puis de nouveau interpellé avant d'être finalement placé. Sébastien Joris, est-ce qu'on peut parler de couac ? Non, pas un dysfonctionnement, mais 2 dossiers et 2 systèmes différents pour une même personne. 2 dossiers. D'une part, une affaire supervisée par le parquet fédéral. Pourquoi lui dans ce cas ? Parce qu'il s'agit d'un dossier terrorisme et qu'il y a dans ce dossier à la fois des adultes et des mineurs d'âge. D'autre part, l'affaire de la vidéo, supervisée cette fois par le parquet de Liège. Pourquoi plus par le parquet fédéral ? Parce qu'il n'y a dans cette affaire que des mineurs, compétences différentes. 2 dossiers, et donc 2 systèmes. D'une part, la justice pour adultes, et d'autre part, celle de la jeunesse. Pour les mineurs, on ne décerne pas de mandat d'arrêt, on parle de mesures de protection. Dans les faits, le fils de l'imam a été relâché après audition dans le dossier du parquet fédéral. Ensuite, quelques heures plus tard, dans l'autre dossier, mais en concertation, un juge de la jeunesse est intervenu et il a décidé du placement. Merci Sébastien Joris pour ces explications. Les bébés ingurgitent trop de médicaments, surtout des antibiotiques, 3 boîtes par an. C'est le constat d'une étude des mutualités libres qui tire la sonnette d'alarme. Les mutualités rappellent que le recours aux antibiotiques doit être évité, car trop souvent utilisés, les bactéries développent une résistance et donc les antibiotiques deviennent inefficaces. Souvenez-vous, il y a 1 an, le parc Maximilien à Bruxelles était recouvert de tentes, un camping de fortune pour les nombreux candidats à l'asile débarqués en masse chez nous. Ce parc, situé à 2 pas de l'office des étrangers, a abrité entre 5 et 10 000 demandeurs d'asile, un camp porté à bout de bras par une plateforme citoyenne et par une poignée d'ONG. Pour Élodie Francard, qui était la porte-parole de cette plateforme citoyenne, qui faisait donc tourner ce camp, 1 an plus tard, rien n'a changé. Ce qui est dramatique, c'est que rien n'a changé. On parle qu'il y a moins d'arrivées, etc. Mais c'est juste parce qu'on a fait un accord avec la Turquie qui bloque les frontières et qui enferme les gens dans une prison à ciel ouvert ou en fait dans une guerre ouverte en Syrie puisque la Turquie a aussi fermé ses frontières. Du coup, il y avait un bel élan de solidarité qui finalement s'est essoufflé parce que des mouvements de telle ampleur ne sont pas forcément voués à durer dans le temps. Mais qu'on se rend compte que... En termes d'intégration, rien n'est fait, enfin en tout cas très peu. En termes de justement d'accueil de ces gens, on joue sur la paranoïa, sur la peur. Et donc on continue la division dans la société. C'est ce que le mouvement de la plateforme voulait montrer. C'était une idée contraire de ça. Et en fait, un an plus tard, de se dire que malgré les revendications et les demandes d'une politique plus humaine, on est toujours dans des politiques de plus en plus graves et en fait dangereuses pour ces gens. Élodie Francard, qui était la porte-parole de la plateforme citoyenne au micro d'Aline Wavreille. À Calais, dans la jungle, autre camp de fortune de migrants. Hier soir, une grande bagarre a éclaté aux abords du camp, près de l'autoroute, là où ils essayent chaque nuit de monter à bord de camions pour rallier l'Angleterre. Il y aurait un mort et plusieurs blessés, selon des médias français. La jungle de Calais, en partie démantelée il y a quelques mois, a connu cet été une nouvelle arrivée massive de migrants. Ils sont plus de 7000 à s'entasser là-bas désormais. Deux films belges vont représenter la Belgique aux European Film Awards. La fille inconnue des frères Dardenne et Dardenen, film flamand de Robin Proot. Ils sont dans la sélection des 50 films de la cérémonie. Nous ne savons pas encore si ces films vont concourir dans la catégorie meilleur film, meilleur acteur ou autre, car les membres de l'Académie vont seulement se réunir pour cela dans les prochaines semaines. Le verdict final, lui, est attendu le 10 décembre. RTBF Mobile Info, ça coince apparemment à Bruxelles. Le tunnel Léopold 2 est fermé, Caroline G. Exactement. Suite à un accident à la sortie Sainte-Thelette, tunnel fermé, le Léopold 2 vers le midi. On a de gros embarras de circulation à la clé, donc c'est un secteur à éviter autant que possible. Encore quelques ralentissements sur le ring de Bruxelles. Un quart d'heure perdu en intérieur entre Hautitre et Grand Bigard. Circulation extérieure, 10 minutes supplémentaires entre Zaventem et Grand Bigard. Et puis un accident est signalé aussi sur la nationale 643 entre Aiguezé et Ouy. C'est à hauteur de Wanze. La chaussée est fermée dans les deux sens. Une déviation a été mise en place. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. On n'est pas des pigeons, la bande est toujours là jusqu'à 13h. Exactement, merci Yasmina. Vous voulez investir auprès d'une personne de confiance? Rendez-vous chez l'agent bancaire AXA près de chez vous ou sur axabank.be/investir. AXA, réinventons la banque. Pas des pigeons sur Vivacité. Au programme de cette deuxième heure, on vous parle de boîte à tartines isotherme. C'est le bon plan ou pas pour la rentrée, pour vous ou pour vos enfants? Caroline répondra à cette question dans quelques instants. Et à ce propos, on vous demande de réagir sur la page Facebook. Oui, qu'est-ce que vous mettez dans les tartines pour que ça reste bien? On avait Chantal tout à l'heure qui nous suggérait de congeler les tartines. Mais Maïté dit « Je m'interroge quand il y a de fortes chaleurs. Ne serait-il pas nécessaire d'avoir un sac à lunch isotherme ?» Bien justement, on répondra à la question. À débattre dans quelques minutes. Philippe, lui, il en a marre de ne pas pouvoir être remboursé quand il reporte un produit au magasin. On lui propose systématiquement des bons d'achat. C'est normal ça, Annie? Écoutez, quelque part oui, mais il y a des explications à donner. D'accord. Et puis dans l'émission, on parlera de l'abeille noire aussi, Isabelle, et les menaces de disparition. Oui, et on vous expliquera avec un spécialiste pourquoi c'est important qu'elle ne disparaisse pas, et surtout les caractéristiques de l'abeille noire. Je suis sûre que vous allez apprendre. Elle fait du miel noir. Plein de choses. Est-ce qu'elle fait du miel noir? Écoutez, non, je ne savais même pas qu'il y avait des abeilles. Mais c'est ça, on apprend déjà une chose. Pour moi, une abeille noire, c'est une mouche. C'est une grosse mouche. On verra la différence tout à l'heure. Si vous avez des choses à nous dire, il y a le SMS aussi. Oui, 3063, le mail pigeon@rtbf.be et le répondeur 070 222 660. Il y a du soleil dehors, mais il y a du soleil aussi dans la radio. Le soleil de l'Italie avec Eros Ramazzotti, la programmation musicale qui sera aussi agrémentée du son d'Amy Winehouse. Vous écoutez, on n'est pas des pigeons, on est ensemble jusque 13h. Bon appétit tout le monde si vous passez à table. Sur les bords du lac, ton cœur sur mon corps qui rêve. racine. La rivière est là. Faut prendre racine. J'ai trompé la mort. La pente est facile. Serre-moi encore. Que mes anges vacillent. T'es mis sur les sur les bien avec Julien Doré, c'est qu'il est constant. Il a trouvé une base rythmique, il s'y tient. C'est un garçon qui ne déçoit pas. Hein, c'est un homme cohérent. C'est un homme cohérent. Julien Doré, donc, avec le lac. Oh, c'était gay, ça. Ça vous rappelle plein de souvenirs, hein, ça. Oui. Maya, Willy et les autres, je ne sais plus comment ils s'appellent. Philibert. Non, c'est vrai, c'est vrai. Oui, Phil, c'était Philibert. Bon, alors, si on parle de Maya l'abeille et qu'on se remet la petite musique dans les oreilles, c'est pour parler d'un problème sérieux, Isabelle. Hein, celui de la disparition des abeilles et plus particulièrement de l'abeille noire belge. Moi, déjà, je ne savais pas qu'il y avait des abeilles noires. Je le disais tout à l'heure. Hein, pour moi, c'est une grosse mouche, quoi, alors. Eh bien, non, figurez-vous. Et c'est très important, cette abeille noire, parce que c'est une menace, c'est une espèce qui est menacée par l'importation de races étrangères. Ma foi, pourquoi pas? Mais on va vous expliquer ici dans quelques instants, grâce à une association internationale qui s'appelle Slow Food, pourquoi c'est important que ces abeilles ne disparaissent pas. Et d'ailleurs, Slow Food a lancé ce week-end ce qu'on appelle, et là vous allez encore apprendre quelque chose, une sentinelle Slow Food. D'accord. Sentinelle, vous savez, celle qui lance l'alerte, ouais, là, en faveur de cette abeille noire. En ligne avec nous, un des responsables de cette sentinelle, Martin Dermine. Bonjour. Bonjour. Et tout d'abord, en quelques mots, pour qu'on comprenne bien, on rappelle ce qu'est l'organisation Slow Food. Alors, Slow Food est une association qui a été créée dans les années 80 en Italie, en réaction au développement des fast-food. Et donc, le but de Slow Food est de préserver les préparations gastronomiques, les variétés de fruits et de légumes anciennes et les races animales en voie d'extinction. D'accord. D'où donc votre lancement, là, ce week-end, cette sentinelle Slow Food en faveur de l'abeille noire. Mais alors, on se disait, pourquoi il faut protéger l'abeille noire? Elle est meilleure qu'une autre? Alors, l'abeille noire, il faut savoir que c'est l'abeille indigène de Belgique. C'est celle qui a toujours existé dans notre pays et dans d'autres pays européens. Mais par l'importation d'abeilles étrangères, il faut savoir que les reines d'abeilles se font féconder dans les airs. Donc, lorsque vous avez votre reine vierge qui part se faire féconder... Et si paf, voisins, tac, elle arrive pas au bout, quoi. Si votre voisin amène... Oui, en plein vol. Et si votre voisin donc a des mâles d'autres races, on va perdre les caractéristiques particulières de l'abeille noire belge. Et justement, c'est quoi ces caractéristiques de l'abeille noire? Elle fait du meilleur miel que d'autres? Elle s'envoie en l'air. Oui, et d'abord, est-ce qu'elle est vraiment noire? Non, oui, elle est toute noire, ça ressemble à une grosse mouche alors. Laissez-les dire des bêtises et puis nous, on va expliquer vraiment pour les gens que ça intéresse. Mais ça m'intéresse. Donc en fait... l'abeille noire est brun foncé. Ah. Et ses caractéristiques, donc c'est sa bonne adaptation à notre climat. On peut dire que souvent on a un climat pourri. Et donc elle est bien adaptée à voler à basse température, lorsqu'il y a des intempéries, à des hivers parfois longs. Et donc tout ça fait que ses particularités il est important de conserver ces particularités. Alors, Anne-Laure vient de partir, mais donc il faut savoir que c'est à Chimay que l'abeille noire est protégée. Alors, qu'est-ce qu'on fait à Chimay pour protéger cette abeille noire? On tue les autres? On les reconnaît? On fait comment? Non, pas du tout. En 2004, les apiculteurs de la commune de Chimay étaient toujours tous en abeille noire et ils sont allés voir la commune pour demander à ce qu'il ne puisse pas être possible d'utiliser une autre race d'abeilles sur la commune de Chimay. Mmh. Et donc, depuis 2004, la commune de Chimay est un sanctuaire de l'abeille noire. Dans quand je croise une abeille à Chimay, c'est une abeille noire. N'écrase pas une mouche à Chimay, voilà. Ça pourrait être une abeille noire qui est protégée. En gros, voilà. C'est ça. Voilà, c'est ça. Je ferai une mauvaise action, alors. On va peut-être rappeler rapidement aussi qu'il existe d'autres sentinelles slow food. Je crois qu'il y en a une pour le fromage de Herve, dont on a beaucoup parlé dans cette émission. Mais concrètement, pour que nos auditeurs comprennent bien, qu'est-ce que ça change, cette sentinelle? Je veux dire, qu'est-ce que vous faites? Alors, la sentinelle, pour nous, c'est une reconnaissance de Slow Food. Slow Food nous aide en faisant de la publicité pour notre abeille noire. Ça permet aux consommateurs de savoir que lorsqu'ils achètent un miel, ben, un miel n'est pas un autre. Ils peuvent maintenant, grâce à cette sentinelle, faire la différence entre l'achat d'un miel industriel qui vient de Chine, par exemple, et un miel local produit avec l'abeille locale. Et donc, pour ça, il suffit d'aller sur le site mieldenoir.be. Et là, vous aurez la liste des producteurs de la sentinelle. Encore une question super intelligente. Est-ce que l'abeille noire fait du miel noir? Non, le okay, miel de l'abeille locale est un miel normal. Manger du miel et avec des abeilles bien de chez nous, c'est ce qu'on va retenir. Merci Martin d'Hermine. Hein, c'est vrai que le miel, moi je ne suis pas... Voilà, je ne suis pas un grand consommateur de miel, mais quand on entend ça, on a plutôt envie d'aller vers les producteurs locaux. On est d'accord? Oui. Oh, on oui. Est d'accord. Bon, Eros Ramazzotti, ça vous convient? Oui aussi. Des pâtes, une pizza, quelqu'un a faim? Chanson de pizza YOLO. C'est la commande. Sprite. Du pur rafraîchissement et puis c'est tout. Sprite, born to refresh. Spirelet Automobile. Découvrez prochainement votre nouveau Ford Store à Verviers. Pendant les travaux, nous restons ouverts et vous bénéficiez des meilleures conditions sur tous les véhicules de stock. Spirelet Automobile. Le meilleur service au meilleur prix. À Liège, Trois-Ponts et Verviers. Dites les amis, un petit conseil entre nous, si vous voulez pédaler avec nous samedi, préinscrivez-vous sur rtbf.be/lebeauvélo. Vous gagnerez du temps et peut-être une bicyclette en BA. Le Monde Sauvage présente sa nouveauté 2016, Fraxinus. Tentez l'aventure en toute sécurité dans un parcours unique au sommet des arbres. Le Monde Sauvage d'Hawaï et Fraxinus Aventure, E25, sortie 46. La Pro League, la Coupe de Belgique, la Champions League, l'Europa League, les Diables Rouges. Vivacité, le top du foot, c'est chez nous. Passa. C'est avec cette chanson-là que le jeune Eros Ramazzotti, en 1984, s'est fait remarquer au Festival de San Remo. Le titre, Una Storia Importante. Ça va, l'accent, c'est bon ? Vous maîtrisez. Pas mal. Grave, hein ? Oui, votre grave. Type italien est... 11h, 13h, on n'est pas des pigeons. À cette heure-ci, vous êtes peut-être à table, devant vous, des tartines que vous avez mis dans votre petite boîte le matin, que vous avez fait avec amour. C'est vrai que le retour des boîtes à tartines, c'est logique, c'est la rentrée. Hein, c'est vrai que c'est la rentrée, alors on pense aux enfants, mais c'est vrai que les grands aussi emploient des boîtes à tartines. Est-ce que vous avez une boîte à tartines? Oui. Non. Oui. Non. Oui. Alors, racontez-moi un peu, c'est comment votre boîte à tartines? Allonge-toi, parle. Moi, j'ai fait une petite salade aujourd'hui avec de l'avocat, tomate et poulet, voilà, un petit assaisonnement. Décris-moi ta boîte à tartines, oui, je te dirai qui tu es. On parle de la boîte ou de ce qu'il y a dedans? On parle de la boîte. Merci Isabelle de parler du contenu, hein. Ça a l'air parfait. Moi, je m'intéresse tout de suite à la nourriture, voilà. Évidemment. Et la boîte, elle est particulière? Non, parce qu'on a la chance d'avoir un frigo. Donc ah, voilà. D'accord. C'est une bête boîte, quoi. Et c'est une bête boîte qui se ferme avec un couvercle, quoi. C'est bien. Oh, la description, elle est magnifique. Elle est d'une précision redoutable. Alors, moi, je vais vous faire une confidence. Aujourd'hui, j'ai pris du taboulé maison. Et j'ai pris une boîte rétractable en accordéon qui est formidable parce que dès qu'on a fini, on l'aplatit et on a juste un frisbee dans son sac, quoi. Pratique. C'est génial. Voilà, moi j'adore. Double emploi. Double emploi. Non, mais on ne choisit pas n'importe comment sa boîte à tartines. Non, alors c'est vrai. On va s'intéresser surtout aux boîtes à tartines des enfants. Pour moi, quand je vois boîte à tartines, je vois une boîte rectangulaire, de couleur. Oui. Voilà, avec un couvercle, parfois un dessin, et voilà, point. Ouais, mais ce que j'ai appris, c'est qu'il existe en fait des boîtes à tartines super élaborées, par exemple, avec une partie qui contient un gel, donc qu'on peut mettre au surgélateur. Ah, bien. Et donc, les tartines des enfants restent au frais. C'est génial, parce que c'est vrai que quand on imagine un enfant qui va à l'école, par exemple, une journée comme aujourd'hui, heureusement, ils ne sont pas à l'école, il fait super chaud. Hein. Les tartines traînent dans le cartable pendant 4 ou 5 heures. Et évidemment, quand on les ressort à midi, elles sont plus tout à fait dans le même état que celui dans lequel elles étaient le matin. Et donc, on peut se demander si c'est encore frais au moment où nos petites têtes blondes vont les consommer. Et donc, alors, on a fait des tests. On exactement. A fait des tests. Ce soir, on la verra à la télé. On a fait des tests de boîte à tartines. Exact. On a pris une garniture particulièrement sensible à la chaleur. Je vous le l'américain. Voilà. Et on a garni les tartines de 3 enfants. Pour le premier, on a pris une boîte classique. Pour la seconde, on a pris une boîte dans laquelle on a intégré des petits blocs surgelés. Vous voyez comment on met dans les super... frigo box. Et pour le troisième, eh bien, on a utilisé la super boîte dont le couvercle va justement au surgélateur pour conserver la fraîcheur des aliments. Alors, les enfants sont allés à l'école, les cartables ont traîné partout où ils devaient, et à midi, on a repris les tartines pour les emmener au laboratoire. Ah, ils les ont même pas mangées. Ne vous inquiétez pas. Il y en avait d'autres. Il y en avait d'autres pour les enfants. On n'a quand même pas été si vaches. Donc, on imagine qu'après 4 heures de cours, les bactéries ont eu le temps de proliférer gaiement. Eh bien oui, sans surprise, il y avait plus de bactéries dans les tartines à midi que le matin, évidemment. Alors, les résultats n'étaient pas très surprenants, mais on vous donnera néanmoins quelques conseils pour ne pas faire n'importe quoi tout à l'heure. Les petits blocs réfrigérés, par exemple, ce n'est pas forcément une bonne idée, on vous dira pourquoi ce soir. Quant au filet américain, ben, mieux vaut l'éviter les jours de grosse chaleur. Vos enfants vous remercieront. Mais pour éviter les bactéries, tout simplement, on n'irait pas manger à la cantine? Ben, si vos enfants apprécient la cantine, tant mieux. C'est vrai que c'est très pratique pour les parents, mais on sait que ce n'est pas toujours de la grande gastronomie, même si il y a de nombreux efforts qui sont faits en la matière. On a supprimé les fritures, on fait beaucoup plus attention sur le plan nutritionnel. Dans certaines écoles, on fait appel à des sociétés qui proposent une cuisine dite responsable, avec des produits locaux, de saison. Et dans ces écoles-là, eh bien, on constate une augmentation du nombre d'enfants qui mangent un repas chaud à l'école. Et globalement, quand même, c'est surtout en maternelle et en primaire, parce que souvent, dès qu'on peut, on dit j'achète un sandwich. C'est sympa, mais je vais acheter un sandwich. Le jour où, en tant que parent, tu apprends que le légume, c'était la sauce tomate, t'as un petit peu de mal quand même. 1,50€ par c'est jour vrai. Pour ça. Mais c'est le repas chaud, ça consiste en quoi maintenant aujourd'hui? Ben, en fait, c'est complet. C'est un potage, un plat et un dessert, accompagné d'eau, bien entendu. C'est fini les limonades. Ça peut sembler évident, mais c'est vrai que quand on était petit, on pouvait en consommer à la cantine. Quant au prix, ben, j'ai appelé l'une ou l'autre école. Vous parliez de 4,50€. Moi, je suis arrivée autour de 3,50€, 4€. Mais alors, pas mal. Alors, que ce soit tartine ou cantine, le cadre est important aussi. Est-ce que les enfants aujourd'hui mangent dans des bonnes conditions? Eh ben, c'est pas évident partout. Pas évident non plus d'instaurer les bonnes règles. Dans l'école de mes enfants, parce que je connais cet exemple-là, on mange en silence au réfectoire. C'est pas forcément chouette parce qu'on ne peut silence pas... complet. En silence complet. Ils peuvent pas discuter. Ils sont au couvent, cas, vos enfants. Non, parce que le réfectoire est réservé aux enfants qui mangent tôt. Donc mes enfants ne sont pas concernés. Et les autres mangent en classe. Et là, ça va, ils peuvent un petit peu se détendre avec leur tartine. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de place pour tout le monde. Et donc aujourd'hui, il y a des rotations dans les réfectoires. Donc on dit aux enfants de se presser parce qu'il y a les suivants qui doivent arriver. On est pressé, on est stressé, il y a parfois du bruit ou pas du tout. Enfin bref, on sent quand même qu'à ce niveau-là, il y a quand même encore du chemin à faire pour qu'ils mangent vraiment dans de bonnes conditions. Et on en reparlera à la télé ce soir. Évidemment. On abordera un autre jour le fait qu'il faut payer des fois 45€ juste pour aller bouffer ses tartines au réfectoire et avoir accès au réfectoire. C'est mon petit coup de gueule en passant. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Les enfants, les boîtes à tartines, ce qu'il y a dedans, c'est ce soir à la télé, évidemment, à partir de 18h30. Merci, Caroline. Avec plaisir. Peut-être idéaliste, maman disait que nos rêves parfois rien les réalisent. Je veux rire, je veux crier haut et fort. Toutes mes conneries, mes délires. À tort ou à raison, on verra. Il n'en tient qu'à nous. Soyons forts, soyons fous. Et rien à foutre ce qu'ils pensent de nous. On me baïonne, on me teste. Ou qu'on me laisse dire ce qui me plaît. On me pardonne. Sur Vivacité avec Viva la Mama, Viva la Lilis, Viva la Malice. Les titres de l'info arrivent dans une minute et quelques. Dans la quiétude d'un site proche de la ville, le Collège du Sartet à Hambourg te propose un enseignement général de qualité avec option immersion en néerlandais. Ouvert sur le monde, le Collège du Sartet pour une formation juste, efficace et porteuse de sens. Pour obtenir ton passeport pour la vie et ta place dans la société de demain, rejoins le Collège du Sartet à Hambourg. Le domaine du Sartet accueille également vos enfants dès 2 ans et demi. Dans un cadre verdoyant, en toute quiétude, l'école fondamentale du Sartet, l'endroit rêvé pour apprendre. société présente, en partenariat avec Engie Electrabel, le beau vélo de Ravel. Tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Alors tous à Mété pour le grand week-end Cap 48. Une occasion unique de pédaler sur le circuit et de découvrir le Ravel Félicien Rops vers Fostaville avant d'applaudir à l'arrivée Suarez en concert gratuit. À samedi, les amis. Avec le soutien de la Wallonie. En forme pour préparer le beau vélo de Ravel avec Engie Electrabel. Avec vous, Sport World, le meilleur du sport international débarque chez vous. Cette offre First Service est disponible pour moins de 15 euros par mois. 14,99 € pour être exact. C'est quasi rien. Nix. Nadal. Bref, se passer de vous, Sport World, ce serait être out. Alors pour en profiter, pas de hasard. Allez vite vous renseigner dans une boutique vous sur vous.be ou au 0800 800 25. Si vous aimez le sport, vous devez avoir vous, Sport World. Offre soumise à condition. Il est 12h30. Les titres de l'info avec vous, Manu Delporte, bonjour. Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Les enfants consomment trop de médicaments et surtout trop d'antibiotiques. Un enfant de moins de 24 mois sur deux a la chance de se voir administrer des antibiotiques et ce n'est pas bon pour ses enfants. Ce n'est pas bon non plus pour la santé en général. Les bactéries deviennent trop résistantes. Mais pourquoi les médecins en prescrivent-ils autant alors? Eh bien, nous tenterons de le savoir à 13h. Figurez-vous que les parents ont peut-être une part de responsabilité dans l'affaire. À 13h, on se penche aussi sur le tourisme à Paris. C'est une véritable catastrophe. Le secteur touristique a fait ses comptes. Pour les 6 premiers mois de l'année, les pertes s'élèvent à 750 millions d'euros. Attentats, inondations, grèves, rien ne s'est passé comme il faut depuis le début de l'année à Paris et la situation ne semble pas vraiment s'améliorer. Les professionnels du tourisme demandent de l'aide. Et puis on ne va pas bouder notre plaisir non plus, le soleil est de retour et ça, ça va durer. Alors il y en a qui se frottent les mains, je vous le donne en mille, les glaciers bien sûr, ils font des réserves, mais attention, pas n'importe quelle réserve, on ne mange pas les mêmes glaces quand il fait très chaud. Chez nous, plus le mercure monte, plus on se dirige vers les sorbets. Goût favori, le citron. Et oui Sébastien, le citron vert, ce n'est pas seulement dans le mojito. On en parle dans le journal de 13h. Moi c'est la pistache, vous c'est quoi? Moi je préfère la passion. Ben écoutez, on va se faire un petit cocktail de glace pour tout le monde. Et on vous retrouve à 13h, merci Manu. On n'est pas des pigeons. Solo en tu boca, yo quiero acabar todos esos besos que te quiero dar. A mí no me importa que duermas con él, porque sé que sueñas con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas. Si no, no me busques más. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy mi amor. Bailamos hasta la 10, hasta que duelan los pies. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy. Yo te haré acabar ese sufrimiento que te hace llorar. A mí no me importa que vivas con él, porque sé que mueres con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas. Si no, no me busques más. Si te vas, yo también me voy. Hasta que Tal vez te da dinero y tiene poderío, pero no te llena, tu corazón sigue vacío. Pero conmigo rompe la carretera, bandoleras en tu vida y algo que no sirve, sácalo pa' afuera. A ti nadie te frena, la super guerrera. Yo sé que tú eres una fiera, dale, sácalo pa' afuera. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy. Après le soleil de l'Italie, c'est celui de l'Espagne. Enrique Iglesias, Duele el corazón. Et décidément, que ce soit en italien ou en espagnol, comment que je me débrouille en langue, tu vas rire. Hein. Vous avez fait des progrès cet été, vous avez un professeur particulier. Non, mais j'ai pas mal bourlingué. Et c'est quoi ton problème? Nous? Bah, on s'entend bien avec tout le monde au quartier. On accueille Philippe. Bonjour Philippe. Bonjour Sébastien. Comment ça va bien Philippe? Ça va sous le soleil, en terrasse, en train de boire mon café. Ça va, parce que là où on est enfermé dans un studio, c'est gentil. Là, on allait vous aider, bien volontiers. Vous, c'est vous qui l'avez voulu. C'est vrai. En même temps, il n'a pas tort. Et on est payé pour ça. Bon, Philippe, si vous êtes là, c'est parce que vous vous posez des questions sur les pratiques de certains magasins qui ne veulent pas rembourser un produit quand on le rapporte et qui proposent un bon d'achat. En gros, votre histoire, c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? En gros, j'avais acheté un tube néon pour remplacer. Puis en rentrant, en le fixant, je me suis rendu compte que ce n'était pas mon ancien tube néon qui était défectueux, mais le support sur lequel je le posais. Ouais. Je suis donc retourné au magasin, chez Hubo pour ne pas les nommer. Mmh. Et là, on m'a dit, ah non, 25 euros, on vous fait un bon d'achat. Par contre, en dessous de 10 euros, là, on m'aurait remboursé en espèces sonnantes et trébuchantes. Oh. C'est là où je trouve ça bizarre. Et je me dis que, ben, moi, dans mon esprit, j'ai ressenti ça comme de la vente forcée. Annie. Mais écoutez, ici on parle d'un achat qui a été effectué dans un magasin. Mmh. Alors ça veut dire qu'on s'y rend de sa propre initiative hein, dans ce magasin. Alors il y a une règle qui s'applique, c'est qu'il n'y a aucune possibilité de renoncer à l'achat qu'on a effectué, même si on parle pour un vêtement, par exemple la taille ne convient pas, la couleur ne plaît pas, qu'au regret de l'achat, ou dans votre cas Philippe, que finalement ce n'est pas le bon truc, qu'il fallait acheter. Mais, voilà. Donc ça c'est la règle, donc ça veut dire que voilà, il n'y a pas moyen de faire marche arrière. Ceci dit, les vendeurs peuvent toujours faire un geste commercial. Et là il y a une réglementation sur le geste commercial? Ah ben non, il n'y a pas de réglementation, c'est le vendeur, donc le commerçant qui va définir lui-même la portée du geste commercial, puisqu'il n'est pas obligé légalement de revenir sur cette vente qui a donc été faite dans le magasin. Et donc ça veut dire quoi très concrètement et très clairement? Le vendeur, ben, le commerçant peut proposer un remboursement, c'est le cas ici par exemple, en dessous de 10 euros, il peut proposer un échange, il peut proposer un bon d'achat, et donc il a toute liberté pour faire un petit peu, entre guillemets, ce qu'il veut. Alors moi j'ai été éplucher les conditions générales du magasin Hubo, et je peux vous dire que j'ai pris contact avec eux, oui c'est là-bas. Et donc vous avez par exemple à l'article 5, retour dans le cas d'une vente en magasin, si vous voulez retourner ou échanger un produit que vous avez acheté dans un magasin Hubo, c'est au magasin Hubo en question de déterminer les conditions de retour d'échange. Ah donc ça se fait même pas de... au cas par cas. Voilà, c'est au cas par cas. Magasin par magasin. Ça, c'était trouvé sur le site avec les conditions générales d'Hubo. Donc ça veut dire que lorsqu'on va dans un magasin, peu importe lequel, parce qu'on s'est déplacé dans le magasin, que l'article ne convient pas pour des tas de raisons, le magasin a toute liberté pour vous faire un geste commercial ou pas. Mais c'est comique, alors voilà. C'est même pas une règle pour une grande chaîne de magasins. Ça s'applique, par exemple, ici on parle de Hubo, la règle ne sera pas la même à Tournai et à Liège. D'après les conditions générales, mais souvent des franchisés et tout, qu'ils appliquent un petit peu. On donne un coup de fil. On va passer un petit coup de fil. On téléphone chez Hubo, voir un peu comment ça se passe. Finalement, on va aller dans le magasin où vous avez été, hein, Philippe, on va aller à Soumagne, celui-là ou un autre, finalement. On a juste envie de savoir comment ça se passe. Et le magasin est ouvert de 8h30 à 17h. C'est le principal. Hubo Soumagne, bonjour. Bonjour, Sébastien Nolvaux, vous êtes en direct sur Vivacité dans l'émission On n'est pas des pigeons. Je vous dérange deux secondes, madame, parce qu'on se pose une question. On se pose juste une question sur. D'accord, allez, vite le collègue. Elle l'est en caisse. Serait-ce Ginette? Renfort caisse 12. Non, mais elle a peut-être des clients qui défilent. Oui, attendez. Sinon, après, on va voir les clients qui vont Râler. porter un coup de gueule sur notre page Facebook. Qui vont vouloir peut-être, peut-être bénéficier des conseils qu'on donne, parce que l'article qu'ils vont payer en caisse, il faudra le ramener demain, peut-être, parce que c'est pas le bon. Peut-être. Bon, le collègue est loin, je pense. Moi. Oui. Le collègue est très loin. On veut juste savoir comment ça se passe dans ce magasin-ci, et qui a décidé les règles, finalement. Si oui, c'est le gérant, si c'est l'administration. C'est le siège social, ou bien... Et donc, vous avez bien compris, Philippe, que la règle, c'est la liberté, en fait, du commerçant. Oui, tout à fait, tout à fait. Au cas par cas. Mais alors, ce que j'ai trouvé bizarre, c'est qu'en dessous de 10 euros, on vous rend les sous et pas au-dessus. C'est vrai que ça, c'est étrange. C'est là que c'est perturbant. Oui, mais donc on ne peut pas dire que c'est perturbant parce qu'on pourrait imaginer un système uniforme, mais le problème c'est que le commerçant fait un petit peu ce qu'il veut. On est toujours en attente chez Hugo. Et on n'est pas, tant qu'à faire puisqu'on attend, on n'est pas dans le cadre d'un problème de garantie, ça veut dire un défaut. Ah non, oui, non, c'est ça. Ça n'a rien à voir. C'est ça, si le produit acheté a un défaut, il n'y a pas de bon d'achat possible. Il n'y a pas de bon d'achat possible, donc ça c'est exclu, il y a des réparations, remboursements, etc. Mais le bon d'achat n'est pas permis et n'est pas autorisé en matière de garantie. Je crois que pour l'instant, Hugo, on est en train de là, je sens que tu vas aller faire un petit tour en régie. Oui, mais vous, Annie va en régie et puis on vous tiendra au courant de leur réponse juste après la pause. Avec la carte Cora et le bon du Folder, 40% sur un article au choix au rayon papeterie. Prenez le plus cher. Une rentrée comme ça, c'est chez Cora. Ou chez Cora, conditions en magasin. Vivacité et la ville de Charleroi présentent Charleroi 350 ans. C'est 2, 3 et 4 septembre, week-end anniversaire. Soirée d'ouverture place de la Digue, cortège historique avec la présence de l'Homme Gang, Carolo Retrocars, accès exceptionnel à de nombreux sites historiques et Kefies, grande fête populaire sur les quais de Sambre. Info charleroi.be/350ans. Avec la une. L'auto présente le mois de Wout. Chaque mercredi, 500 000 euros ajoutés au jackpot. Et ce mercredi, un tirage très, très wow. Près de 1 750 000 euros à gagner. Jouez au loto. Ce dont on a le plus besoin au réveil, c'est de vivacité. Alors, demain matin dès 4h30, Bernard Dewey vous réveille avec vivacité. Vivacité présente le 21e Festival de Théâtre de Rue, rue du Bocage. 25 compagnies de théâtre de rue vous donnent rendez-vous les 27 et 28 août au centre-ville de Herve pour un festival haut en couleurs. Laissez-vous emporter par l'univers chaleureux et convivial de la rue du Bocage. Programme complet sur ruedubocage.be. Vous aussi, vous appréciez de souffler en fin de journée? Exactement, et on va vous offrir des cadeaux. Un peu d'actu et beaucoup de bonne humeur. Avec des bons conseils, l'occasion. Le 5 à 7 de Vivacité, ma pause. Ah, vent de rentrée. Avec Cyril. À Spa, le Pouhon Pierre Legrand accueille deux expositions exceptionnelles. Johann Miro, 140 œuvres, l'une des quatre plus grandes collections permanentes au monde. Et 50 œuvres du célèbre Andy Warhol. Deux artistes prestigieux. Deux expositions incontournables. À voir absolument. Renseignements, spatourisme.be. I'm fine. Just try to make me go to rehab. I won't go, go, go. I'd rather be at home with Ray. I ain't got 17 days. Winehouse en 2007 avec Rehab. Il y a quelques minutes, on se posait une question. C'est Philippe qui nous posait une question. Il avait été au magasin Hubo, déposé quelque chose qui ne lui convenait pas. Il demandait à être remboursé. Il a eu un bon d'achat. Il se demandait quelle était la réglementation en vigueur. Et vous avez eu le patron du magasin en question. Oui, je viens d'avoir le patron du magasin. Donc, on était à Soumagne. Alors, il confirme qu'il n'y a pas d'instruction du siège central du Hubo. Donc, chaque magasin fait un petit peu ce qu'il veut, mène la politique commerciale comme il l'entend. J'ai rappelé qu'il n'y avait pas de réglementation à la matière. Donc, pour les petits montants en dessous de 10 euros chez Hubo, on rembourse, en tout cas celui de Soumagne. Pour les produits au-dessus de 10 euros, eh bien, on propose des bons d'achat parce que si on doit commencer à discuter avec chaque client, ça prend du temps. Donc, le patron me dit, nous, on a une politique commerciale, on doit essayer de faire l'uniformité auprès des gens. Donc voilà, c'est en dessous de 10 euros, on rembourse parce que des petits montants et au-dessus... Pour ce magasin-là, c'est un geste commercial et il n'y a pas de réglementation autour du geste commercial. Et il n'y a pas de réglementation autour du geste commercial. Tout le monde fait ce qu'il a envie. Un petit peu ce qu'il veut, mais on sait bien qu'il y a des commerçants qui sont beaucoup plus souples que d'autres. Voilà, le tout, c'est de tromper. Vous savez quoi ? Le but, c'est qu'il y ait quand même ce geste commercial, d'une manière ou d'une autre. Oui, et surtout qu'on fasse attention à ce qu'on achète quand on va dans le magasin. Bon, on est d'accord. On a tous été pris une fois de se tromper. Voilà, voilà, voilà. Pas des pigeons. Si on jette un coup d'œil sur la page Facebook parce qu'on se posait une question, tout à l'heure on vous posait une question, on parlait avec Caroline de boîtes isothermes. Comment faites-vous pour mettre votre tartine et qu'elle reste au frais longtemps? Et ben justement, Christelle se pose la question. Mon petit garçon commence à l'école le premier, il rentre en accueil. Je suis assez anxieuse pour le dîner tartine car il n'y a pas de frigo où on pourrait mettre les tartines des élèves. Je lui ai acheté un mini rectangle réfrigérant pour mettre dans sa boîte à tartines. Mais Caroline nous a dit tout à l'heure qu'on verra en télévision si ça fonctionne ou pas. Et puis Srimonti nous écrit: je prépare la veille, puis je mets au frigo et je mets dans le cartable au tout dernier moment, sinon c'est repas chaud à l'école. Conseil suivant: des fruits, quelques tablettes de céréales et une autre boîte ronde pour du riz sauté ou des nouilles sautées faites maison. Et aussi une paire de baguettes, cela va de soi. C'est signé Nguyen Min. D'accord. Mais moi, j'aimais bien le coup de tout à l'heure, la tartine congelée le matin, qui a le temps de dégeler tranquillou pendant la journée. C'est un bon plan, oui, ça. En même temps, si on a déjà mis, par exemple, du jambon et tout ça, donc la tartine, elle décongèle sur le jambon. Ouais. Ça devient pas un peu... J'en sais rien, on va tester ça. Oui, et je vois aussi qu'on parle beaucoup de frigo. Petit truc aussi, c'est que les écoles se disent qu'elles doivent peut-être quand même faire la dépense d'acheter des petits frigos. Justement, Muriel nous dit que ses enfants sont à l'école maternelle et qu'ils y ont pensé. Ils ont des frigos. Voilà, si vous êtes concerné par les boîtes à tartines d'une manière ou d'une autre, le débat se poursuit sur la page Facebook et on fait le test de boîte à tartines ce soir. On verra laquelle est la meilleure finalement pour garder les aliments frais ce soir sur la télé à partir de 18h30 sur la Une. La Pro League, la Coupe de Belgique, la Champions League, l'Europa League, les Diables Rouges. Vivacité, le top du foot, c'est chez nous. Merci et bravo à tous les athlètes et médaillés du Team Belgium. Vous nous avez fait rêver sur les deux, Vivacité et RTB Fovio. Pendant les 13 semaines du Beau Vélo de Ravel, Vivacité vous emmène découvrir un site touristique ou un musée de Wallonie et de Bruxelles en famille. Écoutez le 5 à 7 pour gagner les 4 entrées mises en jeu. Une belle occasion de s'offrir une sortie familiale estivale en collaboration avec Ciné Télé Revue et 365.be. Construction Jean-Pierre et Fils, bonjour. Oui, bonjour, c'est pour ajouter une dixième boule à l'atomium. Très bien. Pour la semaine prochaine. Pas de problème. Si. Tout devient possible quand on travaille avec nouveau Citroën Jumpy. Trois tailles au choix, porte coulissante main libre et seulement 1,90 m de hauteur. Nouveau Citroën Jumpy, à partir de 230 euros par mois, avec extension de 5 ans de garantie offerte. Découvrez-le dans votre point de vente. Citroën. Infos et conditions sur citroën.be. Vous connaissez l'histoire de ce kiné qui s'est fait un tour de rein? Ou celle de cet anesthésiste qui s'est fait piquer par une mouche CC? Ou celle de cet acupuncteur qui a perdu ses aiguilles dans une botte de foin? Non, c'est normal. Vous avez mieux à faire qu'imaginer le pire pour votre cabinet ou pour votre officine. Moi, c'est mon métier. Alors, passez me voir et effectuons un check-up de vos assurances professionnelles. J'ai plein de conseils à vous donner. Pour maintenant et plus tard, votre agent d'assurance CBC. Anticipez pour mieux faire avancer les professions libérales. CBC, décidez d'avancer.

Take me off to the place where one reveals life's mystery. Steady on down the line, lose every sense of time. Take it all in, wake up that small part of me. Day to day I'm blind to see and find how far to go. Everybody got the reason, everybody got the way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. It gets into your body, flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember how. Matt Simons sur Vivacité, le titre Catch and Release. Merci et bravo à tous les athlètes et médaillés du Team Belgium. Vous nous avez fait rêver sur les deux, Vivacité et RTB Fovio. On n'est pas des pigeons. Comme chaque jour, on termine avec le coup de gueule. Aujourd'hui, c'est Ariane qui râle. Oui, coup de gueule sous forme d'une question qui n'est pas bête, ma foi. Pourquoi est-ce que lorsqu'on arrive sur une messagerie d'un GSM, c'est facturé comme un appel au lieu de donner le choix à l'appelant de raccrocher sans aller sur cette messagerie ? Attends, attends, j'ai pas tout compris. Mais donc quand vous appelez, que la personne ne décroche pas, vous arrivez d'office sur la messagerie et d'office, la communication continue et vous est facturé. Ouais, et ici, Ariane dit, mais on devrait vous donner la possibilité de ne pas répondre et d'arrêter la conversation. D'accord, ok. De raccrocher tout de suite. De raccrocher tout de suite. Oui, mais vous ne savez pas le dire. Non, mais c'est compliqué cette histoire. Mais c'est un coup de gueule comme un autre. Si vous en avez d'autres, peut-être un peu plus simple à mon niveau, parce que là, j'ai toujours pas compris. Mais n'hésitez pas, vous avez quelques heures pour ça. Hein. On rappelle les différents moyens, tiens, de joindre la rédaction. Mais volontiers. Soyons fous. Allez, le répondeur. 070 222 660. Vous nous expliquez brièvement ce qui arrive. Vous laissez votre numéro de téléphone et vous parlez clairement. Oui, c'est mieux. Ou en tout cas, il faut du réseau. Bon, les SMS 3063. Oui. Les mails pigeons au pluriel at rtbf.be. C'est ma manière de faire passer un examen de repassage. À Aurore, l'embêter avec tous les numéros. Ça, c'est fait. On vous retrouve ce soir à la télé à partir de 18h30 sur la Une. Et c'est Sylvie Honoré qui prend le relais avec La Vie du Bon Côté. Bonjour Sylvie. Bonjour. On se pose une question avec vous. Comment dépasser les choses dont on n'est pas fier? Ah, dites-moi. Ah, mais je ne sais pas. J'attends. Je vous attendais justement. Eh bien, attendez-moi pendant 2 heures, parce qu'à 2 heures, après 2 heures, à mon avis, j'aurai la solution. Bonjour Christophe Godefriot. Bonjour Sylvie Doré. C'est vous qui m'avez susurré ce thème dans l'oreille. Oui, dans l'ombre. Dans l'ombre, voilà, parce qu'on va. Les choses dont on n'est pas fier, ça représente un peu une part d'ombre. Donc aujourd'hui, on va vraiment parler de ça. Qu'est-ce que l'ombre d'ailleurs ? Aujourd'hui, on en a grand besoin. C'est vrai qu'il fait chaud, du coup. C'est canicule aujourd'hui et demain. Donc, quand on parle d'ombre, finalement, ça tombe plutôt bien. L'ombre, voilà, que nous avons. On a chacun une part d'ombre. Donc, ça, c'est sûr. On a chacun une part d'ombre et des choses dont on n'est pas fier. Comment les dépasser ? Et puis, on va aussi parler, surtout, parce que c'est le lancement, finalement, avec vous aujourd'hui, Christophe, d'une grande opération Profit Cap 48. On va lancer une journée de coaching à Mons et une soirée de conférence à Liège. Et alors cette part d'ombre dont nous allons parler, cette différence dont nous allons parler à partir d'aujourd'hui, sera déclinée à plusieurs moments. Voilà, on va parler de tout ça en émission. C'est peut-être pas clair parce que j'ai pas beaucoup de temps, mais ce que je vais faire, c'est de toute façon relancer tout ça après le journal de 13h et vous demander surtout comment vous présentez cette part d'ombre en vous. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, la part d'ombre? Est-ce que vous avez une part d'ombre? Est-ce que vous avez des choses dont vous n'êtes pas fier? Vous allez certainement me dire que oui. Comment vous faites pour dépasser un peu ces choses et cette part d'ombre? Voilà, on vous resitue tout ça juste après le journal de 13h. Notre téléphone fonctionne par rapport à hier, 070 23 33 23, par SMS 3063, via la page Facebook aussi. Venez nous rejoindre nombreux. Ce sera juste après le journal de 13h. Tout à l'heure. Vapona, votre arme contre les insectes. Bonne journée à tous, plein soleil pour cet après-midi avec des températures qui iront de 25 à 29 degrés. Le vent sera faible de secteur sud-est. La nuit prochaine, 16 à 17 degrés, ce sera assez homogène sous un ciel étoilé. Puis demain, encore davantage de chaleur, 28 à localement 32 degrés sur le nord-est du pays. C'est jeudi que les températures devraient être les plus hautes, 29 à 33 degrés dans le centre et même 35 du côté de la Campine. Vendredi et samedi, l'après-midi, on perd quelques degrés et le risque orageux augmentera à partir de dimanche. D'après-midi à tous à l'écoute de Viva, il est 13h et voici les titres du journal de 13h. Trop d'antibiotiques pour les bébés, la mutualité Libre a fait les comptes chez ses affiliés. Un nourrisson sur deux reçoit un traitement antibiotique. Pourquoi les médecins en prescrivent-ils autant? Nous allons tenter de le savoir avec un pédiatre conseillé auprès de l'ONE, l'Office de la naissance et de l'enfance. Le tourisme parisien tire la langue, il n'y a plus assez de visiteurs dans la ville lumière. Le secteur a perdu 750 millions d'euros sur les 6 premiers mois de l'année. La faute aux attentats, aux inondations et aux grèves à répétition en France. Le tourisme parisien tire la langue, mais chez nous, les glaciers se frottent les mains. La météo